Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que le nouvel ordre pour les Européens et pour les Ottomans ? Qu'est-ce qui se joue pour l'Empire ottoman dans les années 1820-1830 ? Demande l'historien Edem Eldem. Quel contre-pouvoir représentent les Ayans, ces notables provinciaux ? Comment les janissaires, qui, se sentant menacés par le projet d'une nouvelle armée, se sont-ils insurgés et ont-ils obtenu la destitution du sultan Selim III en 1807, avant de l'assassiner l'année suivante ? Comment le jeune Mahmoud II, son successeur, a-t-il été traumatisé par cet événement ? Quelles leçons en a-t-il tiré ? Et comment les souverains ottomans se sont-ils entourés de cadres esclaves, hommes et femmes, pour éviter la formation d'une aristocratie séditieuse ? Grand spécialiste du monde ottoman, professeur à l'université du Bosphore, Edem Eldem a été nommé pour 5 ans titulaire de la nouvelle chaire internationale du Collège de France intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Dans la présentation de son cours, l'historien turc rappelle qu'il aborde cette année la transformation de cet empire ottoman face à l'Europe des Lumières. L'objectif est d'analyser, dit-il, d'examiner dans le détail les dynamiques de ces relations entre un empire que l'on dit mourant et une Europe qui est extrêmement puissante, qui est de plus en plus arrogante. Donc c'est une relation assez conflictuelle, mais aussi une relation d'amour et d'admiration. Si dans les derniers cours, le travail de l'historien au plus près des textes turcs et européens a pu mettre en valeur les phénomènes d'imitation, de copie, d'adaptation du modèle de modernisation européen, tandis que monte le doute des Ottomans sur leur propre modèle, les deux dernières séances de cette année, celle d'aujourd'hui et de demain, s'attachent à deux crises majeures, celle qui oppose le sultan au contre-pouvoir qui s'affirme au cœur même de son empire, mais aussi les mouvements des nationalités qui s'affirment également dans le même temps. La destruction des janissaires, ces soldats esclaves, élites de l'armée turque, rappelle Edem Eldem, a eu lieu en plein milieu du long conflit qui a opposé l'État ottoman aux insurgés grecs de 1821 à la constitution d'un État grec indépendant en 1830. Aujourd'hui et demain, l'historien turc interroge donc cette histoire douloureuse et complexe. Dans le beau portrait que le journaliste Marc Semo a consacré à Edem Eldem dans Le Monde, il rappelle comment l'historien aime bousculer les idées reçues, mettre en perspective en retrouvant et en croisant les différentes voies, celles des Turcs, celles des membres de l'Empire, les Grecs, les Arméniens, sans craindre d'affronter les tabous et les relations très particulières des Turcs à leur propre histoire. Et de citer Edem Eldem présentant une Turquie cliomane et cliopathe, à la fois folle et malade d'histoire, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France que vous avez entendue dans les semaines précédentes. Une Turquie folle par son obsession d'attribuer à l'histoire une mission politique et idéologique, déclare Edem Eldem, vouée à modeler la nation et le citoyen, et malade de ses craintes, de ses complexes, de ses silences, de ses tabous, son négationnisme, l'ensemble produisant un rapport extrêmement malsain, parfois agressif, souvent enfantin, à tout récit qui oserait remettre en question le moindre aspect de la doxa en vigueur. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 16 février 2018 pour le cours d'Edem Eldem, aujourd'hui, les défis du nouvel ordre, première partie. Mesdames, messieurs, bonjour. Le temps passe vite. Pour un historien, c'est le dernier cours d'une saison. Ce qui, malgré le trac qui continue, me navre. Mais ça n'est qu'un au revoir, puisque je compte revenir l'année prochaine et utiliser, si possible, le même calendrier que cette année-ci. Aujourd'hui, je parle de nouvel ordre. Je parle de... Alors, vous aurez probablement reconnu sur cette image une image un peu d'Épinal à la grecque, une image par un certain Zographos du siège de la citadelle d'Athènes, c'est-à-dire de l'Acropole, par les forces ottomanes en 1826. Je vais donc parler des années 20, je vais parler du défi des années 20, car c'est un défi énorme auquel seront confrontés les Ottomans. Et je vais parler en particulier d'un des plus grands défis de cette période, celui de la rébellion ou de la révolution ou de la guerre d'indépendance grecque. Tout dépend d'où vous vous placez pour en parler. Alors, nouvel ordre, bien sûr, c'est quelque chose qui peut se conjuguer de plusieurs manières. C'est quelque chose qui n'est pas directement lié à l'image de l'Acropole. Mais le nouvel ordre, c'est quelque chose qui se traduit de deux manières. La première est très européenne, c'est le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne de 1815 est un rappel à l'ordre, en quelque sorte, de l'Europe, après la crise de la Révolution française et l'aventure napoléonienne. Et par conséquent, on sait bien que 1815, que le Congrès de Vienne est essentiellement un moyen de ramener l'Europe au bon vieux temps d'avant la Révolution française, rétablir en quelque sorte les anciens régimes. Et par conséquent, c'est un mouvement extrêmement conservateur qui va marquer de sa politique, de son idéologie, en tout cas la première moitié du XIXe siècle. C'est un peu cette répression, ce conservatisme qui va être responsable de certains des soulèvements des années 1830, mais surtout du printemps des peuples de 1848. Donc, conservatisme, un nouvel ordre, un nouvel équilibre, le désir exprimé par Metternich et par la plupart des puissances à l'époque de geler en quelque sorte la configuration politique et géographique de l'Europe afin d'éviter les débordements, les crises qu'elle a connues pendant les décennies précédentes. Alors bien sûr, la France est la première visée. C'est la France que l'on essaye de châtier pour son insolence, pour sa suffisance, son désir d'avoir en quelque sorte bouleversé tout l'équilibre des puissances, l'équilibre européen. Donc on veut la ramener à une modestie, à un contrôle des grandes puissances. Et en gros, on veut surtout se débarrasser ou éviter, tuer dans l'œuf, tout mouvement qui serait susceptible de mettre en danger cet équilibre de l'Europe. Et bien sûr, les mouvements en question, on les connaît bien, ce sont des produits dérivés de la Révolution française, mais aussi de l'épopée napoléonienne. C'est le nationalisme, ce sont tous ces mouvements, ces soulèvements, ces sécessionnismes qui sont parfois micronationalistes, parfois macronationalistes, pan-nationalistes, qui veulent établir des États-nations, des États indépendants, là où règnent encore des empires souvent multiethniques, notamment dans le cas de l'Autriche-Hongrie. Le problème, c'est que dans cette vision du nouvel ordre, l'Empire ottoman n'est pas très présent, ou du moins, il est un peu en marge. C'est un empire qui n'appartient pas vraiment à l'Europe pour des raisons diverses, déjà une certaine tradition historique, mais aussi les Lumières. C'est-à-dire que les Lumières ont fini par montrer du doigt l'Empire ottoman comme un exemple de despotisme oriental qu'il faut à tout prix chasser de l'Europe, chasser du monde civilisé, chasser de ce que l'on considère être l'Europe des Lumières. Par ailleurs, l'Empire ottoman n'a pas vraiment participé aux troubles napoléoniens. C'est vrai que depuis 1798, avec l'expédition d'Égypte, il a été confronté à des conséquences de l'ambition napoléonienne, à des conséquences de la Révolution française. Il a été partie prenante de certaines alliances pour ou contre telle ou telle puissance, mais il n'a pas vraiment fait partie du grand jeu politique qui s'est joué pendant la décennie et demie, la première décennie et demie du XIXe siècle. Par conséquent, lorsque le temps est venu de régler les comptes, en 1815, l'Empire ottoman n'est absolument pas considéré comme un participant naturel à ce congrès. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1856, que pour la première fois, les Ottomans seront invités à participer à un congrès international de la paix. C'est celui qui clôt la guerre de Crimée. Et les Ottomans en seront très fiers, puisque c'est en quelque sorte une reconnaissance de leur accession à la civilisation occidentale, leur admission au sein du concert de l'Europe, tel qu'on le définit à partir du congrès de Vienne. Alors, le nouvel ordre, ça n'est pas qu'un concept européen. Le nouvel ordre, c'est aussi un concept ottoman. Et là, c'est une traduction littérale de Nizam Jadid. Nizam, c'est l'ordre, de la racine arabe nun dat te mim, donc nazm, l'ordre. C'est ainsi qu'on appelle par exemple la poésie. La poésie, c'est nazm. Manzum veut dire en vers. C'est tout ce qui est ordonné. Nizam, ordre, jadid, nouveau, le nouvel ordre. Or, ce mot, c'est un mot qui a été utilisé à la fin du XVIIIe siècle par Selim III pour définir la réforme fiscale, mais surtout militaire, à laquelle il avait exposé son empire. Nous en avons vu des exemples avec Mahmoud Raif Efendi et ses nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Le terme « nouveau » et même « règlement » rappelle énormément cette terminologie ottomane, celle du Nizam Jadid, du nouvel ordre, de l'ordre nouveau. Alors, bien sûr, dans le contexte du règne du sultan Mahmoud II, de 1808 à 1839, le terme Nizam Jadid est un terme brûlant, puisque c'est à la fois la réforme de la fin du XVIIIe siècle, mais aussi c'est la perdition de Selim III, puisque Selim III est tombé en 1807 lorsqu'il a essayé de compléter sa réforme, en quelque sorte, en mettant en danger le corps le plus puissant de l'armée ottomane, celui des janissaires. Il a été détrôné et par la suite, il a été assassiné par les partisans de son successeur, de son cousin et successeur, Mustapha IV. Et par conséquent, le Nizam Jadid, dans les années 1820 que nous allons évoquer, c'est un terme que l'on essaye d'éviter à tout prix, puisque il est très fortement connoté avec cette tragédie, ce drame d'un sultan assassiné par ses sujets et d'une révolution de palais, d'une révolution par le haut, ayant échoué, ayant été en gros détruite elle-même par cette milice extrêmement puissante que l'on appelle les janissaires. Par conséquent, au début du XIXe siècle, à partir du rétablissement de la lignée sultanienne avec Mahmoud II en 1808, vous avez le pouvoir central et des pouvoirs plus périphériques qui, en gros, se regardent en chien de faïence. Vous avez un malaise politique où le centre n'est pas encore assez puissant pour assumer son autonomie et pour parfaire le régime des réformes qui avait été entamé par le prédécesseur de Mahmoud Selim. Et vous avez des forces, des contre-pouvoirs périphériques qui, eux aussi, sont en attente parce qu'ils se sentent plus ou moins menacés par les velléités, par les tentations de l'État central, du sultan, du palais, et par conséquent sont en train de louvoyer, de naviguer la politique pour essayer de se maintenir en place. Quels sont ces contre-pouvoirs ? Vous en avez deux, en gros. L'un, c'est celui des notables provinciaux, ce qu'on appelle les Ayan, A-Y-A-N, les Ayan des provinces, c'est-à-dire des gens qui se sont constitués en élite locale, non pas à travers une nomination officielle du pouvoir central, mais par la constitution d'un capital politique, social et économique reposant sur des ressources locales. Ce sont en général de gros propriétaires terriens qui contrôlent cette terre, non pas forcément par la propriété privée, mais en tout cas par le contrôle fiscal, c'est-à-dire l'affermage des fermes qu'ils louent au gouvernement central et dont ils assurent la pérennité par l'obtention des droits de transfert d'une génération à une autre. Toutes les provinces de l'Empire ottoman ont ce genre de famille constituée de mania, si vous voulez, des notabilités locales qui se constituent en pouvoir là où l'État est incapable vraiment d'assurer le suivi de son propre pouvoir. Donc il y a une sorte de jeu d'équilibre, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement typique des empires à l'ancienne, mais surtout des Ottomans. Le fait que le pouvoir central a tendance à toujours rechercher une sorte de négociation avec les pouvoirs périphériques dans les provinces, afin d'éviter un conflit ouvert et de garder un semblant de loyauté qui maintient, du moins nominalement, la présence de l'empereur, du sultan, comme souverain de ces contrées. C'est ainsi que, par exemple, les régences de Barbarie sont gérées par les Ottomans. Ils n'ont pas de contrôle direct sur l'Algérie, sur la Tunisie, mais ils ont une entente, en quelque sorte, avec les pouvoirs locaux, qui parfois sont des descendants de janissaires établis lors de la conquête, entre guillemets, de ces régions au XVIe siècle, mais qui, en fait, ont une autonomie presque complète sur leur territoire, et notamment sur la navigation, les corsaires, la course des barbaresques, qui est une entreprise économique extrêmement lucrative, et qui, par conséquent, se contenteront de reconnaître la légitimité du sultan comme souverain, battre la monnaie, j'allais dire à son effigie, mais à sa tura, puisque l'effigie n'existe pas, mais le chiffre du sultan détermine la nature de la monnaie frappée. Et une fois que ces formes d'allégeance sont accomplies, l'équilibre est plus ou moins établi, le centre étant content de conserver une mainmise du moins théorique sur ces territoires, tandis que la périphérie est tout à fait satisfaite d'exercer une forme de pouvoir autonome sur son propre territoire. C'est à peu près la même chose qui se passe en Anatolie orientale, en Anatolie occidentale, dans les Balkans. Vous avez énormément d'Ayan, donc, qui représentent cette puissance localisée, locale, qui parfois n'est même pas musulmane. Vous avez bien sûr d'autres formes de diffusion de l'autorité du sultan, mais celle-ci est la principale. Et dans le cas précis qui nous intéresse, nous avons un un événement, un moment particulier, 1808, l'accession de Mahmoud II au trône, encore très jeune, qui va signer, et c'est une première dans l'histoire ottomane, il va signer avec, justement, des représentants de ces Aryans, ce qu'on appelle un pacte d'alliance. Sened et Ittefak, littéralement, un pacte d'alliance, qui est une forme de contrat passé entre le sultan et les représentants de ces magnats provinciaux, reconnaissant les droits de chaque partie à exercer sa part du pouvoir. C'est-à-dire que les Aryans, les élites provinciales, reconnaissent la souveraineté et le droit à légiférer du sultan, et le sultan, en contrepartie, reconnaît le droit de ses potentats locaux à exercer un pouvoir direct sur la gestion de la province, des territoires qui dépendent d'eux. Certains ont appelé ça la Magna Carta ottomane. Je crois que c'est une exagération, puisque s'il est vrai qu'il y a une sorte de contrat, en fait, ce contrat est un pis-aller, c'est une sorte de compromis à un moment où l'État central se sent trop faible pour imposer sa volonté dans les provinces. Et d'ailleurs, le pacte ne durera pas très longtemps et Mahmoud II passera une bonne partie des années 1810 à essayer justement de miner le pouvoir, de saper le pouvoir de ces élites locales. L'autre contre-pouvoir, il n'est pas tellement périphérique, en fait, il est plutôt centré sur la capitale, Constantinople, et il s'agit justement de ses janissaires. Les janissaires, le corps des janissaires, dont on a beaucoup parlé, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. C'est un corps qui a été constitué au XIVe siècle sur un modèle qui a déjà été essayé au Moyen-Orient, celui des soldats esclaves, c'est-à-dire de gens qui sont recrutés dès la plus tendre enfance pour devenir une sorte de machine de guerre ou d'administration. C'est le système ottoman classique qui n'a jamais été pleinement réalisé, mais qui, du moins dans ses grandes lignes, définit la manière dont les Ottomans se sont débarrassés de la chose aristocratique et des tendances féodales. Alors bien sûr, lorsque l'on voit la puissance des Aryanes dans les provinces, on voit bien qu'il y a une féodalisation, une reféodalisation dans les provinces. Mais au centre, le système dépend essentiellement d'une volonté du sultan à ne pas partager le pouvoir avec des familles qui pourraient transférer leur pouvoir de génération en génération et par conséquent finir par constituer des dynasties parallèles ou rivales. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que la succession ottomane est pensée, c'est comme ça que le harem ottoman fonctionne. N'oublions pas que le harem, après une période très précoce où les Ottomans se mariaient un peu comme les princes d'Occident, c'est-à-dire épouser des gens de leur propre rang, ou en tout cas appartenant à une féodalité, à une noblesse, à une monarchie parallèle, se sont, à partir du XVe siècle, reportés exclusivement sur des esclaves, des femmes esclaves. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter justement les liens qui pouvaient mettre en danger l'autonomie de cette dynastie ou même des querelles d'héritage avec des femmes ou des hommes qui viendraient d'autres familles puissantes et qui par conséquent auraient leur mot à dire dans le jeu politique. Les esclaves n'en ont pas. Et les esclaves, par conséquent, deviennent un peu comme les janissaires. Le parallélisme est évident entre la partie mâle et la partie féminine de ce recrutement. On recrute des gens qui n'ont pas de racines, ou du moins dont les racines sont plus ou moins éradiquées, et on en fait des serviteurs du sultan, dont la carrière dépend entièrement du bon vouloir du sultan, du moins en théorie, et qui n'ont pas le droit ni les moyens de retransmettre leur pouvoir à des générations à venir. Donc, on essaye de se débarrasser, en quelque sorte, du danger de l'aristocratie. C'est ce qui, au XVIe siècle, avait déjà beaucoup plu à Machiavel dans sa vision de l'absolutisme ottoman. Les janissaires, donc, sont à l'origine cette milice un peu idéalisée qui, au fur et à mesure, commence à s'enraciner, à s'embourgeoiser, en quelque sorte. Au début du 19e siècle, au 18e siècle aussi, les janissaires sont de plus en plus incapables de mener une guerre, ils manquent de discipline, et surtout, ils se sont recyclés dans des activités commerciales, sociales, tout à fait bénignes, tout à fait innocentes, qui sont fortement imbriquées dans la vie de la capitale. Ils deviennent, en quelque sorte, des représentants d'une sorte de classe moyenne de la capitale ottomane et, par conséquent, obtiennent un ancrage social beaucoup plus important. Et, par conséquent, les rébellions du XVIIIe et du début du XIXe siècle des janissaires sont des mouvements qui sont toujours accompagnés d'un soutien populaire. C'est quelque chose qui va au-delà d'une simple rébellion de soldats. Ce sont des soldats qui traînent avec eux toute une populace, toute une imbrication, une implication de forces sociales dans la capitale de l'Empire ottoman, ce qui les rend encore plus dangereux aux yeux de l'État. Et c'est pourquoi, depuis 1808, le sultan, bien qu'il ait l'intention d'établir sa propre autonomie, son propre pouvoir, en neutralisant ses contre-pouvoirs, se tient quoi ? N'essaye de ne pas mettre en risque la survie de l'Empire et de son propre trône. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Mahmoud II est le dernier rejeton de la dynastie des Ottomans. C'est-à-dire que si en 1808, lui aussi avait été tué par les rebelles, après Selim III, avec la mort de Mustapha IV, l'usurpateur de 1807, la dynastie ottomane aurait tout simplement disparu. Elle se serait tarie. Il était le dernier représentant mâle capable d'assumer le trône. Alors, bien sûr, à cette époque-là, on a parlé de la possibilité de les remplacer par les Giray de Crimée, une famille plus ou moins apparentée racialement, ethniquement, celle des souverains de Crimée. Mais quoi qu'il en soit, Mahmoud II a survécu, mais en tout cas, il est traumatisé par l'expérience qu'il a vécue de la presque annihilation, l'anéantissement, le quasi-anéantissement de la dynastie et du système. Et par conséquent, malgré ses velléités de poursuivre la réforme à l'occidental, du moins dans sa logique technologique militaire, comme son cousin Selim III, il va attendre son heure, et son heure ne sonnera que bien plus tard, en 1826. Vous savez probablement que 1826, c'est cette date fatidique, ce que l'historiographie officielle ottomane appelle l'événement heureux, Vakaye Hayriye, un événement heureux, c'est la destruction du corps des janissaires. Mais quand je dis destruction, c'est vraiment l'anéantissement manu militari du corps des janissaires qui seront bombardés dans leurs casernes en plein milieu de la ville de Constantinople et qui, une fois pour toutes, seront complètement anéantis, éradiqués. Par la suite dans les provinces aussi, et par conséquent le nom de janissaire sera complètement banni de la pratique. Je vous rappelle pour la petite histoire que Shahanizadeh, l'historien que j'ai rendu célèbre par son plagiat de Voltaire, Shahanizadeh était tombé en disgrâce en 1826 à cause de ses allégeances Bektashi, les Bektashi étant une confrérie islamique qui était très proche des janissaires. Donc vous voyez un peu que autour de la répression et de la suppression des janissaires s'organise une purge de tous ceux que l'on associe avec ce corps, avec ce mouvement. On essaye de nettoyer tout simplement l'Empire de ce que l'on considère être une des plus grandes plaies. Cette éradication de 1826 s'inscrit dans un contexte qui est très particulier. C'est pour ça que j'arriverai à la question de la rébellion grecque, de la guerre d'indépendance grecque, puisque 1826 a été rendu possible par un concours de circonstances. D'abord, la rébellion grecque, c'est-à-dire le fait que depuis 1821, l'Empire est en train de combattre une rébellion qui dure de plus en plus longtemps et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Les rébellions sont chose courante dans l'Empire ottoman. Tous les empires à l'ancienne ont sans cesse à gérer le problème d'insurrection, de rébellion, de soulèvement. Et les Ottomans savent en général assez bien gérer ça en combinant la violence et la négociation. La violence, c'est-à-dire que si vous en avez les moyens et si vous disposez d'une armée, de ce qu'il faut pour mater manu militari une rébellion, vous l'envoyez, vous essayez de vous débarrasser des rebelles. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire ou si vous sentez que le risque est trop gros, dans ce cas-là, vous négociez. Et au XVIIe siècle, même au XVIIIe siècle, un grand nombre de rébellions sont donc dans le flou le plus complet, puisque vous voyez des rebelles traverser le Rubicon ottoman d'une part puis de l'autre, c'est-à-dire passer du côté de la rébellion et ensuite revenir dans le giron de l'État, dès qu'on leur présente quelque chose qui vaille la peine justement d'abandonner cette position d'insurrection. Et c'est cette flexibilité, cette souplesse qui donne à l'Empire ottoman sa longévité. En gros, c'est le roseau. C'est le roseau qui se plie aux circonstances du moment et qui, contrairement à la plupart des monarchies occidentales qui, au XVIIe siècle, au contraire, essayent de se constituer en chaîne, essayent d'éliminer systématiquement toute opposition, pensez à la France au XVIIe siècle et à la manière dont les frondes, dont le protestantisme sont gérés, entre guillemets, vous avez deux modèles très différents, l'un étant fondé sur le, en gros, ça passe ou ça casse, c'est le modèle français, les autres étant fondés sur un modèle de navigation, de négociation entre les différentes parties qui sont concernées. Seulement, en 1820, la rébellion grecque est d'une toute autre nature, elle est différente pour une raison qui est extrêmement importante du point de vue du thème de ce cours, elle est importante du fait de la participation ou de la présence en tout cas de l'Occident dans cet événement, de l'Occident, c'est-à-dire des États, des puissances occidentales, mais aussi de l'opinion publique internationale. Et ça, bien sûr, ça nous oblige à revenir à la question de 1815. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Edem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Aujourd'hui, les défis du nouvel ordre, partie 1. 1815, le congrès de Vienne dit en gros que l'intégrité des États reconnus comme légitimes doit être conservée face au risque de sécession posé par les mouvements sécessionnistes, nationalistes, etc. Et en gros, l'effort de la police internationale de l'Europe des années 20 et 30 sera porté sur la répression de tout mouvement en Espagne, en Italie, qui va dans le sens de cette mise en danger de l'équilibre européen. En principe, en 1815, l'Empire ottoman fait partie, non pas l'Empire lui-même, mais les territoires de l'Empire ottoman sont compris dans cette idée d'un statu quo à maintenir. C'est-à-dire que les puissances occidentales ne veulent pas s'impliquer dans la défense des luttes des populations chrétiennes. Et on en a déjà vu des exemples dès 1804 en Serbie, contre l'autorité ottomane. Donc, au départ, le Congrès de Vienne considère tout mouvement sécessionniste dans l'Empire ottoman comme étant aussi dangereux, même si l'Empire ottoman ne fait pas partie du concert de l'Europe, aussi dangereux que les mouvements sécessionnistes, les mouvements révolutionnaires en Europe même. Seulement, vous le savez probablement, au fur et à mesure de l'implication de l'opinion publique dans la rébellion grecque, les États européens vont se sentir à la fois obligés et entraînés dans une sorte de défense des rebelles grecs et vont finir par intervenir militairement, la bataille de Navarin, intervenir militairement au profit des Grecs et contre les Ottomans, ce qui va en grande partie décider le sort de ce conflit. Et si la Grèce acquiert son indépendance en 1829 et devient un royaume indépendant en 1830, c'est en grande partie grâce à ce soutien qu'elle a obtenu des grandes puissances occidentales, notamment l'Angleterre, la France et la Russie. C'est donc la première entorse qui est faite au principe du statu quo défini par le Congrès de Vienne. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons, l'une étant, ainsi que je vous le disais, le fait que l'Empire ottoman est plus ou moins implicitement mis au banc de l'Europe comme étant un empire despotique de l'Orient et que par conséquent, il y a une sorte de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que la légitimité d'un État occidental ne peut pas être comparée à celle de l'Empire ottoman, notamment face aux demandes de populations chrétiennes dont l'oppression fait déjà partie d'une certaine rhétorique occidentale à l'encontre de l'Empire. De plus, l'Empire ottoman n'étant pas partie prenante dans cet arrangement de 1815, il lui est pratiquement impossible d'intervenir dans la manière dont cet équilibre est maintenu. Mais si 1826, l'éradication des janissaires est effectivement rendue possible par le contexte des années 1820, c'est donc en partie à cause de cette rébellion des Grecs. Pourquoi ? À cause de l'incapacité de l'armée ottomane de mater cette rébellion, et par conséquent, la perte de prestige des armes ottomanes face à cette bande de rebelles qui, pendant des années, vont tenir tête à la puissance du sultan. Deuxième contexte qui contribue à 1826 et qui est extrêmement important dans le contexte justement des dynamiques des années 1820, c'est l'opposition que l'on fait de plus en plus entre la réussite de l'armée égyptienne, qui, elle, est réformée, Mehmed Ali d'Égypte, qui n'a pas encore obtenu son indépendance, est encore un gouverneur, un vassal de l'Empire ottoman, mais en fait jouit d'une autonomie qui est d'autant plus encouragée qu'il s'intègre très rapidement avec l'économie européenne par le coton. Mehmed Ali est en train de réformer son armée, il est en train de faire ce que Selim III avait tenté de faire et ce qui avait été interrompu par la révolution de 1807. Et par conséquent, cette armée égyptienne, dès les années 1820, elle est beaucoup plus efficace, elle montre déjà le succès, en quelque sorte, de l'entraînement et de l'équipement à l'occidental, et lorsqu'elle est invité par le sultan à participer à l'effort de guerre contre les Grecs, elle prouvera, à la fois l'armée et la flotte égyptienne, prouveront à quel point elles sont capables d'obtenir des résultats là où les Ottomans étaient encore en train de patauger. Donc l'exemple est flagrant de la réussite technique, technologique, organisationnelle d'une armée qui est soumise à la discipline et à une réforme occidentale face à une armée qui est encore très traditionnelle et incapable par conséquent de gérer ce conflit. Donc ce sont là deux catalyseurs extrêmement importants de la transformation de 1826, le fait qu'il y a une guerre, le fait qu'il y a une guerre que les Ottomans eux-mêmes n'arrivent pas à gérer et qu'au contraire, les Égyptiens arrivent, grâce à ce renouveau technologique, à cette réforme organisationnelle, arrivent à gérer beaucoup mieux. Donc 1826 est en quelque sorte le fruit de ces conflits de 1820. Et bien sûr, 1820 est extrêmement important, la décennie des années 20 est extrêmement importante pour nous du point de vue de l'impact idéologique qu'il aura sur les mentalités ottomanes, par la réussite de la rébellion grecque, mais aussi par la nature de cette rébellion, qui n'est pas une rébellion comme les autres. Ce n'est pas une sorte de rébellion de paysans, ou du moins ça ne l'est plus à partir des années 1824-25. C'est une rébellion qui prend un aspect de guerre et où les arguments dépassent de beaucoup le genre d'argumentation que l'on pouvait voir dans des rébellions, dans des insurrections, dans des soulèvements de type traditionnel. Il y a le discours nationaliste, il y a tout le symbolisme qui accompagne ce nationalisme, et par conséquent, c'est un animal tout à fait nouveau, une créature tout à fait nouvelle à laquelle les Ottomans sont confrontés et qui va les obliger à changer radicalement leur prise de position par rapport à leur province, par rapport aux populations non musulmanes, mais aussi par rapport à l'Europe. Thank you. souviendrez que j'avais débuté mon cours en vous donnant des exemples de ce que j'appelais l'hospitalité empoisonnée des Ottomans, la manière dont ils géraient le mépris qu'ils avaient des Occidentaux en leur imposant un protocole, une étiquette qui était insultant. Et dès les années 1820, là j'ai un exemple que j'ai tiré des archives diplomatiques à la Courneuve récemment, donc c'est un rajout très très récent. Voici la description par le marquis de Rivière en octobre 1820 de son audience de congé lorsqu'il quitte Istanbul. C'est un texte qui est intéressant parce qu'il vous montre à quel point les Ottomans ont commencé à fléchir sur l'intransigeance qui caractérisait leur étiquette et leur protocole à cette époque-là. Pour la petite histoire, le marquis de Rivière, c'est celui qui reviendra tout content de Constantinople avec la Vénus de Milo sous le bras. C'est lui qui revendiquera d'ailleurs la découverte en quelque sorte et en fera cadeau au roi. En fait, et je suis en train de travailler là-dessus, j'ai l'impression que la Vénus de Milo n'a vraiment acquis son importance et sa valeur qu'une fois arrivée en France et que par conséquent, si l'on regarde la correspondance du marquis de Rivière, on ne voit pratiquement rien encore en octobre 1820, donc quelques mois après la découverte, on ne voit absolument rien dans sa correspondance qui donne l'impression d'une quelconque importance attachée à cette statue. Enfin, ça c'est quelque chose que j'essaierai de développer dans une publication prochaine. Mais là, ce que le marquis de Rivière décrit en écrivant à Paris, c'est une sorte de transformation subtile par laquelle les Ottomans commencent à lâcher un peu de la pression dont ils usaient jusque-là pour imposer leur symbolisme insultant aux Occidentaux. Le Reis Efendi, donc le ministre des Affaires étrangères, me fit à l'instant même répondre que Son Altesse était prête à me recevoir. Son Altesse, c'est le grand vizir, libre de choisir entre une audience simple et sans étiquette et une audience de cérémonie. Je préférais la première, suivant en cela l'exemple de tous les ambassadeurs qui, depuis un certain nombre d'années, ont quitté Constantinople. La cérémonie chez les Turcs expose à souffrir de la morgue à laquelle, dans ce cas, ils se croient obligés envers un infidèle. Donc, première constatation, c'est que, en gros, la formule que les Ottomans ont trouvée pour essayer de libérer les ambassadeurs de ce carcan protocolaire, c'est de leur proposer une réception complète ou une réception un peu rapide. La réception un peu rapide devenant quelque chose de moins d'importance et par conséquent se prêtant moins au symbolisme des Ottomans qui tentent à les diminuer aux yeux de l'assistance. Ensuite, je partis du Palais de France accompagné de deux drogmans de première classe de l'ambassade. Arrivé à la porte dite du Reis Efendi, le drogman de la sublime porte vint au-devant de moi, m'introduisit chez le Reis Efendi, qui sortit d'une pièce voisine pour me recevoir. C'est l'usage afin que l'autorité turque qui reçoit visite n'ait pas à se lever devant un ministre chrétien. Alors là aussi, vous voyez la subtilité du jeu, c'est presque du Marivaux. Le Reis Efendi, pour ne pas avoir à se lever lors de l'entrée de l'ambassadeur, attend dans la pièce d'à côté et fait irruption, un peu c'est théâtral, fait irruption une fois que l'ambassadeur est là. Comme ça, il est debout, mais il ne s'est pas levé. C'est très fin. Ça fait rire, mais en fait, c'est très fin. Et ce que ça dénote, c'est justement le désir de modifier le traitement que l'on donne aux ambassadeurs sans perdre la face. Le modifier assez pour qu'il soit tolérable à des Européens qui maintenant ont une opinion un peu plus positive d'eux-mêmes et qui par conséquent rechignent devant l'idée de ramper devant des autorités ottomanes, mais tout en gardant un semblant de conservation du protocole d'origine. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent, c'est typique justement de la manière dont les Ottomans naviguent autour des complexités du protocole. Et enfin, le Reis Efendi, mettant de côté l'étiquette qui ne permet pas à un officier de la Sublime Porte de paraître savoir et encore moins de parler en public d'autres langues que le turc, voulant pourtant n'avoir plus d'intermédiaire entre lui et moi pour m'exprimer ses propres sentiments, le fit en italien. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit, l'italien est la lingua franca, diplomatique en tout cas à l'époque. Mais là aussi, vous voyez que le Reis Efendi est prêt à briser les convenances ou les conventions du protocole ottoman afin de s'attirer l'amitié, le soutien d'un ambassadeur qui est sur le départ et dont le soutien compte à la fois internationalement et à l'échelle domestique. Tout cela pour vous dire que on est bien loin de la cérémonie qui était décrite sur le tableau de Van Moor ou la gravure de Mouradja Dawson, c'est-à-dire cette transposition un peu figée d'un protocole d'inégo. On est en train de se mouvoir vers une reconnaissance de l'égalité avec, bien sûr, des moyens plus ou moins détournés. Mais ce que cela prouve, c'est que les Ottomans, maintenant, sont conscients de ce qu'ils ne peuvent plus échapper à la diplomatie occidentale et que, par conséquent, ils doivent jouer le jeu comme il convient, comme les Européens leur imposent. Les années 1820, c'est ça. Et c'est pourquoi le choc de voir tout d'un coup les Européens se liguer contre les Ottomans et soutenir les rebelles grecs sera perçu comme une trahison. Une trahison qui ne sera jamais oubliée et qui, par conséquent, marquera de son traumatisme les décennies à venir. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Edem Eldem le 16 février 2018 dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, les défis du Nouvel Ordre, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem et de nombreux liens. Sa leçon inaugurale a été publiée sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » chez Fayard. Et vous avez pu entendre aujourd'hui également quelques extraits du très bel album « Chorale et cosmopolite Balkan » dirigé par Jordi Savall, le gambiste et illustre chef d'orchestre catalan, qui a réuni différentes musiques de l'ancien empire ottoman avec la complicité de musiciens venus de tout le pourtour méditerranéen et de l'Europe. Un album publié chez Aliavox. Un grand merci à Tatiana Leha et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons la série sur l'Empire ottoman et l'Europe en compagnie d'Edem Eldem et il sera question de la rébellion grecque qui s'est transformée en guerre d'indépendance. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.